Si on parle historiquement, je dirais que ça ressemble quand même à une guerre civile, puisque c'est le même peuple quelque part. Mais si on parle au niveau géographique, eh ben, ce que les Américains ont refusé, pas, tout le monde se souvient, ceux qui ont mon âge et un peu plus, de la baie des cochons, quand les Russes voulaient mettre à Cuba des missiles, les Américains avaient dit non. Et en vérité, c'était d'abord les Américains qui avaient mis tout près de ce qui était bloc soviétique à l'époque des missiles. Au départ, ça s'est commencé comme ça, et puis ça s'est pas dit. C'était dans les accords. Donc les Américains ont demandé aux Russes de ne rien dire, alors que c'est eux qui avaient commencé. Afrique Média, le monde, c'est nous.